Chapitre 7e. L'hôtel de la place de l'Étoile. L'hôtel loué par le duc Jean de Clodion faisait partie de ces élégantes constructions qui s'élèvent en éventail au-delà de l'Arc de Triomphe. Il était entouré d'une grille derrière laquelle se dressaient des massifs d'arbustes toujours verts, et il avait son entrée principale sur la rue de Tilsit. Du côté de la place de l'Étoile, il n'y avait pas d'entrée proprement dite, mais seulement une petite porte dans l'angle gauche de la grille, afin d'éviter un assez long circuit lorsqu'on voulait sortir de l'hôtel par la place. L'entrée était rue de Tilsit. À droite, une maisonnette en briques rouges servait de demeure au concierge. Une cour de moyenne grandeur dans laquelle se trouvaient les écuries et les remises conduisait un perron de 8 marches précédant un vestibule décoré à la façon romaine d'après les dessins des ruines de Pompéia. De ce vestibule, on entrait de plain pied dans les appartements du rez-de-chaussée qui se composait d'un salon immense, d'une salle à manger, d'une grande chambre à coucher, cette dernière donnant sur la cour. Les fenêtres de ces diverses pièces étaient garnies de glace d'un seul morceau et d'une telle épaisseur qu'elles auraient pu défier les morsures des diamants les plus durs de messieurs les voleurs. En deçà du salon, avec lequel il communiquait par une petite porte, était un grand cabinet sans croisée, éclairé par un œil de bœuf placé au premier étage. Le premier étage était desservi par un escalier en marbre blanc destiné au maître. Les cuisines étaient dans le sous-sol. Quelques jours après la soirée accidentée de la Reine Blanche, Jean de Clodion, étendu sur un divan dans sa chambre à coucher, fumait d'excellents cigares du planteur en compagnie de son vieil ami, le docteur Cavarox. Ils avaient déjeuné ensemble et le jeune duc achevait de raconter les diverses péripéties de son équipée avec Folle-Feuille. Eh bien, que comptez-vous faire ? Lui demanda le docteur. Si vous n'aviez pas promis au chef indien de lui livrer Marescot, votre ligne à suivre serait toute tracée. Je ne comprends pas. Tenez, on sonne, et celui que j'attends sera l'explication du projet que j'ai conçu, repartit le duc Jean de Clodion. Un valet de pied parut en ce moment. Milord, la personne que vous avez fait demander vient d'arriver. Votre seigneurie peut-elle la recevoir ? Faites entrer, répondit le duc. Quelques instants après, un homme d'environ 50 ans, à la physionomie intelligente, était introduit. C'était le mécanicien qui, un an auparavant, avait rétabli la porte secrète qui mettait en communication l'hôtel de Carmela avec celui de Don José. « Monsieur Favier, lui dit Jean de Clodion, je connais de réputation votre habileté et je désirais vous confier l'exécution d'un travail difficile. Veuillez m'expliquer ce dont il s'agit, Milord, et si je puis m'en charger, je ferai mon possible pour vous satisfaire. Venez, et je vous expliquerai mon projet. » répondit Jean en se dirigeant vers le cabinet sans fenêtre placé derrière son salon. Le docteur Cavarox, fort intrigué, les avait suivis. Le duc ferma la porte, puis se tournant vers le mécanicien. « J'ai, dit-il, l'intention de mettre un coffre-fort dans cette pièce. Rien de plus facile, Milord, on le scellera au mur, » répondit M. Favier. « Sans doute, mais messieurs les voleurs n'opèrent plus comme autrefois. Ils se sont perfectionnés dans leur art. Ils n'enlèvent plus les caisses aujourd'hui, ils préfèrent les ouvrir. Mais on fabrique depuis quelques années des fermetures solides et des plus compliquées. Les meilleurs, mon cher monsieur, ne résistent pas au procédé que les voleurs chinois ont enseigné à leurs confrères d'outre-Manche. Votre observation est juste, Milord, répliqua le mécanicien, mais on peut disposer à l'intérieur de la caisse une batterie de mitrailleuses qui foudroierait ceux qui tenteraient de l'ouvrir sans en posséder le secret. « C'est connu depuis un demi-siècle et je voudrais quelque chose de plus neuf, » répondit le jeune duc. « Je vais vous expliquer mon idée, vous me direz si elle est praticable. J'écoute, Milord. » Au-dessous de la pièce où nous sommes, il y a un caveau dont les murs sont assez solides pour résister à toutes les tentatives de perforation et qui est fermé par une porte de fer. « Mais pourquoi votre seigneurie ne place-t-elle pas sa caisse dans ce caveau ?» dit le mécanicien. « Parce que c'est précisément dans ce caveau que je voudrais faire descendre ceux qui tenteraient d'ouvrir mon coffre-fort. Je ne saisis pas bien, Milord. Moi non plus, ajouta Cavarox. Ne pourriez-vous pas établir dans ce cabinet un plancher mobile qui s'abaisserait lorsqu'on pousserait un ressort ? Le mécanicien réfléchit pendant quelques instants. Ce que demande votre seigneurie est possible, répondit-il. Fort bien. Maintenant, supposons le plancher mobile construit. Ne pourriez-vous pas mettre le ressort qui le ferait mouvoir en communication avec la porte même de ma caisse ? Assurément, mais j'y vois un inconvénient très sérieux. Lequel ? c'est que toutes les fois que vous ouvriez votre caisse, vous tomberiez infailliblement dans le caveau. Mais un praticien aussi habile que vous ne pourra-t-il pas établir un second ressort qui paralyserait l'action du premier, de telle sorte qu'en le pressant préalablement, l'inconvénient dont vous parlez n'existerait plus? En effet, la chose est faisable, Milord. Alors vous pouvez vous charger de ce travail? Parfaitement. Combien vous faudra-t-il de temps pour l'exécuter? 1 mois, Milord. Très bien. Mais il est bien entendu que personne d'autre que vous ne connaîtra le travail que je vous confie. Personne, Milord, je vous en donne ma parole d'honnête homme. Pendant 1 mois, mon hôtel sera à votre disposition et pour le cas où je m'absenterai, je vais vous remettre un passe-partout. Vous serez donc ici comme chez vous. Quant au prix, vous le fixerez vous-même, je l'accepte à l'avance. Quel jour, Milord, désire-t-il que je me mette à l'œuvre? Dès demain, si vous voulez. Demain, Milord, c'est convenu, dit le mécanicien en se retirant. Eh bien, comprenez-vous à présent? Dit le duc Jean de Clodion au docteur lorsque M. Favier fut parti. Votre idée est tout à fait ingénieuse, répondit Cabarrouc en riant. Ce ne seront pas les voleurs qui prendront votre trésor, c'est vous qui prendrez les voleurs. Cas de légitime défense, n'est-ce pas? Sans doute. Mais que ferez-vous de ce capitaine Maresco une fois que vous l'aurez enfermé dans votre oubliette? Votre intention n'est pas, je le suppose, de le conserver éternellement prisonnier comme le masque de fer, ou de le laisser mourir de faim. Parbleu, je l'expédierai, selon ma promesse, aux montagnes rocheuses. Et vous croyez qu'un bandit de sa trempe se laissera transporter comme un colis en Amérique? Quand nous en serons là, mon cher docteur, répondit le jeune duc, vous me donnerez un petit coup d'épaule, et la chose ira d'elle-même, vous le verrez bien. En ce moment, le valet entra. Qu'est-ce? Fit Jean de Clodion. Monsieur le comte de Lorembert prie monsieur le docteur de se rendre le plus tôt possible à son hôtel, répondit le domestique. Ah, mon Dieu! Dit Cavaroux en regardant sa montre. 1 heure. J'avais promis au comte d'être chez lui à midi. Un médecin, mon jeune ami, ne devra jamais déjeuner en ville. Il tendit la main au duc. Voulez-vous ma voiture? Lui dit Jean le suivant. Le coupé de monsieur le comte attend monsieur le docteur, repartit le valet.